Chapitre 2e. Deux années se sont écoulées. Dans son bel hôtel, le général recevait toujours. Mais à ses brillantes soirées militaires, la charmante fille qui jadis tournait toutes les têtes ne paraissait plus. Le colonel du 123e était mort subitement à la veille d'obtenir les étoiles. À la vie brillante et dissipée avait succédé pour les deux femmes une existence médiocre et maussade. Tous les sémillants officiers qui papillonnaient si galamment s'était éloigné avec le plaisir et la gaieté. Le nouveau colonel du régiment avait aussi une femme et une fille. À elle, puissance du jour, toutes les attentions, toutes les coquetteries. Au souverain de la veille, le coup de képi distrait, dans la rue, puis la fuite d'un air effaré. L'orpheline et la veuve alors échangeaient un amer sourire et poursuivaient lentement leur chemin. Elles allaient dans le parc, auprès du tapis vert, jouir des tiédeurs d'un bel automne dont le soleil dorait le marbre des statues et jaunissait les feuilles des grands marronniers. Elles s'asseyaient toutes noires dans leur robe de deuil, et aux accents de la musique militaire, elles retrouvaient comme un lambeau de leur ancien bonheur. Il leur semblait que rien n'était changé dans leur existence, et que la voix du colonel allait retentir rude et sonore derrière elles, disant « Bonjour, mesdames. Aujourd'hui, c'est le 124e qui donne le concert. Sa fanfare est moins bonne que la nôtre. » Mais les cris des enfants qui jouaient dans le sable se faisaient seuls entendre, et la mère, avec un soupir, essayait de lire ses journaux au travers de son pince-nez au verre brouillé par les larmes, pendant que la fille jetait à la dérobée un regard mélancolique sur ses anciens danseurs, qui ne la reconnaissaient plus. Elle approchait de 25 ans maintenant, et sa beauté raffinée par le chagrin avait une grâce plus pénétrante. On eût dit une fleur que la pluie d'orage a rafraîchie et purifiée. Elle s'était défaite de ces vivacités de jeune cheval échappé qui lui donnaient une allure fantasque et inquiétante. Grave et douce, elle semblait faire pénitence de son joyeux passé. Un jour, à la musique, parmi les officiers qui se promenaient, fumant, causant, riant, et qu'elle rencontrait chaque après-midi, une figure nouvelle lui sauta aux yeux. Elle revoit en un instant les balles du général et son timide amoureux blotti dans un coin, la dévorant des yeux. Elle dit à sa mère « Oh, maman, vois donc le lieutenant !» Il l'avait aperçu aussi, car il était devenu pâle et, quittant ses camarades, le képi à la main, il s'avançait. La vieille mère plia à la hâte ses journaux et, débarrassant la chaise qui était devant elle, avec un bienveillant sourire, l'offrit à l'officier. « Comment ? C'est vous, lieutenant ? Oh, qu'il y a longtemps ! Nous sommes vraiment heureuses. » « Mais, pardon, je vous appelle lieutenant et je vois sur votre manche un troisième galon. » Alors il rougit et raconta qu'au bout de 6 mois de campagne, il avait été fait capitaine, après l'affaire de Nam Dim. Il y avait tant de vide à combler. Puis il était resté enfermé dans Tuyen Khan avec le commandant Dominé. Un siège terrible de 5 semaines sur la brèche à repousser les assauts furieux de l'armée chinoise, battant sans trêve de ses flots d'hommes les murs en ruine du fortin. Il avait été blessé le dernier jour dans une sortie suprême, alors qu'au loin, par-dessus la clameur des hordes jaunes, les clairons français se faisaient entendre sonnant la délivrance. Oh, l'heure enivrante ! Il avait vu l'ennemi fuir, les trois couleurs apparaître, et il était tombé alors sans regret, puisqu'on était vainqueur. Son état avait paru si grave qu'on l'avait renvoyé en France avec la croix. Pendant la traversée, il s'était à peu près guéri, et en arrivant, il avait été porté d'office sur le tableau pour le grade de chef de bataillon. Les deux femmes se taisaient. La mère, avec sa connaissance du métier, calculant qu'il avait gagné 10 ans d'avance sur tous ses camarades. La fille examinant le jeune homme et le trouvant presque méconnaissable, avec sa figure pâlie et allongée, qui lui donnait un grand air de distinction. Était-ce possible qu'on eût dédaigné ce brave soldat qui, ayant payé de son sang chaque grade conquis, revenait maintenant avec un avenir assuré? Lui aussi la regardait. Était-ce elle, sérieuse et réfléchie, qu'il avait connue étourdie et turbulente? Une autre femme se découvrait à lui, 100 fois plus charmante dans sa grâce triste et inquiète. Elle l'avait séduit autrefois, elle le ravissait aujourd'hui. Il l'avait rêvé ainsi, c'était bien elle, toujours aussi jolie et 100 fois meilleure. Les yeux se rencontrèrent, et dans ceux de l'officier elle eut tant d'adoration qu'elle se détourna avec un peu de gêne. Le soir venait, les deux femmes se levèrent, et sans pouvoir se détacher d'elle, il les conduisit jusqu'à leur porte. Le lendemain, il les retrouva à la musique, et ainsi tous les jours. Il s'asseyait auprès de la jeune fille, et pendant que la mère lisait ses journaux, il causait, intarissable, et cependant ne disant rien. L'automne s'avançait, les feuilles couleur de rouille jonchaient les allées, et il faisait très froid pour rester assis. On se promenait dans les quinconces du parc désert, le capitaine et la jeune fille côte à côte marchant d'un pas souple et amoureux. Décembre se passa ainsi dans une intimité toujours plus douce. Cependant le capitaine, par moments, semblait troublé, nerveux. Un jour, dans un élan passionné, il serra le bras de la jeune fille contre sa poitrine, ses yeux brillèrent, elle crut qu'il allait lui dire « Je vous adore ». Mais il garda le silence et devint un peu sombre. L'agitation qu'il éprouvait redoubla aux approches du jour de l'an. Il alla fréquemment à Paris, s'occupa moins des deux femmes. Une sourde inquiétude le travaillait. S'était-elle trompée? Que préparait-il de mystérieux? Le 31 décembre, à 6 heures, il n'avait pas encore paru. La veuve lisait le journal du soir qui contenait les promotions dans l'armée. Soudain, elle devint très rouge et poussa un cri. « Il est nommé! Il a son grade !» Au même moment, des pas précipités se firent entendre, la porte s'ouvrit, et celui qui était si impatiemment attendu entra. Il souriait, très ému. Il s'arrêta devant les deux femmes. La vieille mère lui tendit les bras. « Oh, mon cher enfant, voilà donc ce qui vous agitait !» Mais lui, se tournant vers la jeune fille avec une amoureuse fierté, « Mademoiselle, j'ai maintenant une espérance d'avenir à mettre à vos pieds. Je vous aime. Voulez-vous être ma femme ?» Elle pâlit au souvenir du premier refus, et pensant à tout ce que le brave garçon avait fait pour mériter son bonheur, elle lui tendit la main et la tête sur son épaule. Les lèvres sur la rude torsade de galon si vaillamment gagnée, elle pleura de joie. Ainsi s'achève, sans doute, de Georges Honnet.